الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc ceci est l'explication du 23e hadith parmi les hadiths, parmi les 40 hadiths de Nawawi rahimahullah. Et donc le hadith du jour est le suivant. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Donc, selon Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la purification est la moitié de la foi. Et alhamdulillah, la louange est à Allah, remplit la balance. Et subhanallah et alhamdulillah, c'est-à-dire la glorification d'Allah et la louange à Allah, remplissent ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Et la prière est une lumière. Et l'aumône est une preuve. Et l'endurance, as-sabr, l'endurance est un rayonnement. Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Tout le monde se lève le matin et vend son âme. Soit il la sauve, soit il la damne. Rapporté par Muslim. هذا حديث عظيم فيه بيان كافة خصال الخير وأعمال البر. Hadith, une fois de plus, c'est un hadith plein d'enseignements qui contient l'explication de la multitude des voies de bien et des actes de piété. قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. Le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il dit la purification est la moitié de la foi. الطهور بضم الطاء أي التطهر. Donc le mot en arabe طهور, en mettant une dhamma sur le ta, signifie la purification, c'est-à-dire l'acte de purification. ومعناه التطهر من الحدث والنجس. Et il signifie le fait de se purifier des choses annulant les ablutions ou des impuretés. وأما الطهور بالفتح فهو مادة التطهير وهي الماء أو التراب عند فقد الماء. Quant au mot tahour en arabe, avec une fatha sur le ta, il désigne la chose avec laquelle on se purifie, qui est soit l'eau, ou soit la terre lorsqu'il n'y a pas d'eau. وَالتَّطَهُّرُ نَوْعَانِ. Et la purification, elle est de deux types. تَطَهُّرٌ حِسِّي مِنَ الْأَحْدَاثِ وَالْأَنْجَاسِ بِالْمَاءِ. Le premier type de purification, c'est la purification concrète, qui est la purification contre les choses qui ont le fait de se purifier. Des choses qui annulent l'ablution et des impuretés avec de l'eau. Donc ça, c'est une purification concrète. والثاني تطهر معنوي من الذنوب والمعاصي والسيئات. Et le deuxième type de purification, c'est une purification abstraite, qui est le fait de se purifier des péchés et de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. Et lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم dit, يعني en ce qui concerne la purification, que c'est la moitié de la foi, c'est-à-dire c'est la moitié. Le mot châtre en arabe, le mot châtre veut dire la moitié. وقال بعضهم أن الشطر هنا في الحديث بمعنى الجزء. Et certains savants ont dit que dans le hadith, là, le mot châtre ne désigne pas la moitié, mais il désigne une partie. C'est-à-dire, la purification est une partie de la foi, selon cet avis-là. ولكن أكثر العلماء رجحوا أن المعنى هنا بالنصف. Mais la majorité des savants ont fait prévaloir l'avis qui dit que ici le mot châtre désigne la moitié. C'est-à-dire que la purification est la moitié de la foi. وقيل المراد بالطهور هنا الطهور الحسي وهو الطهارة من الأحداث والأنجاس فإذا تطهر الطهارة الحسية حصل على نصف الإيمان. Donc la purification ici dans le hadith, certains ont dit que ce qui est voulu, c'est la purification concrète, la purification des choses annulant les ablutions et des impuretés. De telle sorte que lorsque la personne se purifie, eh bien, il aura accompli la moitié de la foi. لأن الطهارة الحسية شرط لصحة الصلاة. Car la purification concrète est une des conditions pour la validité de la prière. وقيل المراد بالطهور الطهور المعنوي. Et d'autres savants ont dit que la purification qui est voulue ici, c'est la purification abstraite, c'est-à-dire la purification des péchés et des actes de désobéissance. ويقول الشيخ الفوزان حفظه الله والظاهر والله أعلم أنه شامل للطهورين donc الشيخ الفوزان lui il dit ce qui apparaît والله أعلم et Allah est le plus savant c'est qu'ici La purification englobe les deux types de purification, la purification concrète et abstraite. ولكن الصحيح الذي عليه الأكثرون ومنهم ابن رجب وابن عثيمين يعني وكذلك الشيخ صالح علي الشيخ الأكثر على أن المراد بالطهور هنا التطهر بالماء من الأحداث Donc la majorité des savants, notamment Ibn Rajab, et Ibn Uthaymin et Cheikh Saleh Ali Cheikh, ils voient que l'avis prépondérant sur cette question, sur ce point, c'est que ce qui est voulu ici par la purification, c'est la purification concrète, la purification avec l'eau, de se purifier des choses annulant les ablutions et des impuretés. ومما يرجح هذا يعني أن المراد بالطهور هنا التطهر بالماء من الأحداث ورواية الترمذي حيث قال حيث روى حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء شطر الإيمان صححه الألباني رحمه الله Et ce qui prouve que la vie prépondérant C'est que ce qui est voulu par là, c'est la purification avec l'eau, la purification concrète. C'est la version de ce hadith que l'on retrouve chez Tirmidhi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les ablutions sont la moitié de la foi », authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc cette version du hadith, elle vient expliquer la version que nous avons entre nos mains, qui est la version de Muslim. Donc ce qui est voulu ici par la purification, c'est les ablutions. La purification avec l'eau. Wa qala ibn Rajab, يعني حاكيا قول بعض العلماء في المراد بالإيمان هنا ابن رجب il a rapporté ici des paroles de savants pour expliquer ce qui est voulu par la foi dans le hadith car il dit la purification est la moitié de la foi donc ابن رجب il rapporte la parole de certains savants أنهم قالوا المراد بالإيمان هنا الصلاة كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس Donc, il dit que certains savants ont dit que ce qui est voulu ici par la foi dans ce hadith, la purification est la moitié de la foi, ce qui est voulu par la foi dans le hadith, la foi ici, elle désigne la prière. La foi ici, dans ce hadith, elle désigne la prière. Dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction rapprochée du sens, Allah n'est point tel à annuler votre foi c'est-à-dire votre prière vers Jérusalem. Car au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons priaient en direction de Jérusalem et non pas en direction de la Kaaba. Puis, après cela, la Qibla a été orientée vers la Kaaba. Et donc, des compagnons, radiallahu anhum, ont dit, qu'en est-il de nos frères qui sont morts et qui n'ont prié qu'en direction de Jérusalem, qui sont morts avant que la Qibla soit orientée vers Mecca, vers la Kaaba. Ils pensaient que leur prière qu'ils avaient faite en direction de Jérusalem était nulle. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset pour dire qu'il n'est point tel à annuler votre foi, c'est-à-dire votre prière, le bénéfice de vos prières en direction de Jérusalem. Donc le mot foi il arrive dans les textes que le mot foi désigne la prière, comme dans le verset cité, et également comme dans le hadith, selon l'avis de certains savants, et qui est l'avis qui est approuvé par la majorité des savants. Donc ici, lorsqu'il dit la purification est la moitié de la foi, c'est-à-dire la purification avec l'eau, la purification concrète, constitue la moitié de la prière. وإذا كان المراد بالإيمان هنا الصلاة فالصلاة لا تقبل إلا بطهور فصارت طهور شطر الصلاة بهذا الاعتبار. En effet, si on dit que là, le mot foi, il désigne la prière, eh bien certes, la prière, elle n'est acceptée avec la purification. Et de ce fait, la purification constitue la moitié de la prière. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. Puis le prophète sallam a dit, Alhamdulillah, la parole Alhamdulillah, la parole Alhamdulillah remplit la balance. Alhamd, huwa al-thana'u 'ala al-mun'im. La louange, le mot hamd, c'est le fait de faire les éloges. Faire les éloges de celui qui accorde les bienfaits. وبعضهم عرف الحمد بأنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. Et certains ont défini الحمد, ont défini la louange, en disant que c'est de qualifier la personne louée, de qualifier la chose louée, alhamd, la louange, c'est de qualifier la chose louée de la perfection avec l'amour et la vénération, avec amour et vénération. C'est-à-dire que tu qualifies cette chose que tu es en train de louer, qu'elle est parfaite, et tu l'aimes et tu la vénères. ففي هذه الكلمة إثبات الكمال لله عز وجل وأن جميع المحامد له وأن جميع المحامد له سبحانه استحقاقا. Et donc dans cette parole, la parole Alhamdulillah, Il y a dans cela l'affirmation de la perfection à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu affirmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfait et qu'il est celui qui mérite toutes les éloges. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui mérite toutes les éloges. Et Cheikh Saleh Ali Cheikh, hafizahullah, il explique Cheikh Saleh Ali Cheikh, il explique les choses qui font que l'on fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter toutes les éloges? Il dit, je traduis directement pour ne pas trop s'attarder. Il dit tout d'abord que nous louons Allah subhanahu wa ta'ala pour son unicité dans sa seigneurie. Car il n'y a pas d'autre seigneur à part lui qui mérite, qui détient tout cet univers et qui le dirige et qui l'ordonne. Donc, on fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est le seul seigneur, le seul créateur, pourvoyeur, qui donne la vie et la mort et qui organise tout cet univers. Et également, on loue Allah subhanahu wa ta'ala pour son unicité dans la divinité. Car il est le seul Dieu véritable, le seul à mériter d'être adoré. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui est adoré dans le faux et dans l'erreur. Également, on loue Allah subhanahu wa ta'ala pour ses noms et ses attributs, car il a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Rien ne lui ressemble dans ses noms et dans ses attributs. Également, nous devons louer Allah subhanahu wa ta'ala pour sa législation et ses ordres. Car sa législation est parfaite, ce qu'il a légiféré dans le Coran et dans la Sunna. Tout ce qu'il a légiféré dans le Coran et dans la Sunna est parfait. Et tout ce qu'il a ordonné, tout ce qu'il a interdit, c'est par perfection. Également, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala pour sa création et sa prédétermination, ce qu'il a prédestiné. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'il crée et dans ce qu'il a prédestiné, il a été parfait. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée et tout ce qu'il prédestine, c'est avec perfection. Et pour une raison utile. طيب إذا هي كلمة إذا قالها الإنسان فإنها تملأ ميزان الأعمال يوم القيامة. Donc cette parole, alhamdulillah, lorsque l'être humain l'a dit, eh bien cette parole, elle remplira la balance d'action, la balance de bonnes actions au jour de la résurrection. لأن الحسنات والسيئات توزن يوم القيامة في الموازين. Car les bonnes actions et les mauvaises actions seront pesées au jour de la résurrection dans les balances. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان كلمتان خفيفتان على الميزان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان أو عفوا ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Dans un hadith, le prophète a dit, il y a deux paroles qui sont légères sur la langue, lourdes dans la balance, et qui sont très aimées par le tout miséricordieux. Ces deux paroles sont Subhanallah wa bihamdi, gloire à Allah et louange à lui. Et Subhanallah al-Azim, gloire à Allah l'immense. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. Ensuite le prophète me dit et la parole subhanallah et la parole alhamdulillah remplissent ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Kalimatan, ce sont deux paroles. Subhanallah ومعناها تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به تنزيهه عن الشركاء وتنزيهه عن النقائص والعيوب. La première parole c'est Subhanallah, gloire à Allah, qui signifie de purifier Allah subhanahu wa ta'ala et de rejeter tout ce qui ne lui convient pas. On nie qu'il est désassocié, on lui nie qu'il est désassocié, et on lui nie tous les défauts. Walhamdulillah, et la deuxième parole qui est Alhamdulillah, kama sabaqa thana'un ala Allah jalla wa ala. Donc la deuxième parole, Alhamdulillah, comme nous avons dit précédemment, c'est quoi? Ce sont des éloges qui sont faits à Allah subhanahu wa ta'ala. فَفِيهِمَا نَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ. Donc dans ces deux paroles, subhanallah et alhamdulillah, il y a une négation et une affirmation. نَفْيُ جَمِيعِ النَّقَائِسِ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى في قول سبحان الله. La négation qui est de nier tout défaut à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça se trouve dans la parole سبحان الله. وإثبات جميع الكمالات لله جل وعلا في قول الحمد لله. Et l'affirmation, c'est d'affirmer toutes les perfections à Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci se retrouve dans la parole Alhamdulillah. Fal kalimatan mutakamilatan. Donc les deux paroles se complètent l'une et l'autre. Une nie tout défaut à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'autre affirme toute perfection à Allah subhanahu wa ta'ala. والكلمة الواحدة تملأ ما بين السماء والأرض. Et une seule de ces paroles, Alhamdulillah ou Subhanallah, Une seule de ces paroles remplit ce qu'il y a entre les cieux et la terre. ومعلوم ما بين السماء والأرض من الفضاء الواسع. Et il est bien connu. L'immense espace qu'il y a entre les cieux et la terre est bien connu. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقال هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة. Il a été rapporté dans un hadith par Ibn Abbas radiallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interrogés. Est-ce que vous savez combien d'espace il y a entre les cieux et la terre? Les compagnons ont répondu, Allah et son messager le savent mieux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, il y a entre eux une distance de 500 ans. Et entre chaque ciel, c'est-à-dire entre le premier ciel et le deuxième ciel, et ainsi de suite, entre le deuxième et le troisième, entre le troisième et le quatrième, entre chaque ciel, il y a également une distance de 500 ans. Et l'épaisseur de chaque ciel est de 500 ans de marche. Entre les cieux et la terre, il y a une distance de 500 ans de marche. Et entre chaque ciel, il y a une distance de 500 ans de marche. Chaque ciel a une épaisseur de 500 ans de marche. فهاتان الكلمتان إذا قالهما الإنسان بصدق ونية خالصة يملأان ما بين السماء والأرض على ساعة ما بين السماء والأرض لعظم هاتين الكلمتين. Et donc ces deux paroles, subhanallah et alhamdulillah, si l'homme, si l'être humain les dit avec véracité et avec intention sincère, elles remplissent ce qu'il y a entre les cieux et la terre. L'immensité de l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. Et ceci est dû à l'immensité de ces deux paroles. Ces deux paroles sont tellement immenses qu'elles remplissent l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور. Puis le prophète m'a dit, la prière est une lumière. As-salatu al-mafroudatu wa an-nafilatu nurun. La prière, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire, est une lumière. Nurun fil wajh, une lumière sur le visage. Fa tajidu al-mudayyi'ina lis-salati 'ala wujuhihim adh-dhulma wal-qudra. والعياذ بالله وتجد المحافظين على الصلوات والمتهجدين في الليل على وجوههم النور والبشاشة وهذا شيء واضح للناس إذا تأملته. Donc tu trouves que les gens qui sont négligents dans leur prière, tu vas trouver leur visage sombre et noirci, qu'Allah nous en préserve. Et tu trouves ceux qui préservent leur salat, qui sont assidus dans leur prière et qui font des prières de nuit, tu trouves sur leur visage de la lumière et de la clarté. Et ceci est une chose évidente aux gens, pour quiconque le médite. As-salatu nurun laka fi wajhik. Donc la prière est une lumière pour toi sur ton visage. Wa fi qalbik, et dans ton cœur. Wa fi qabrik, et dans ta tombe. Wa fil hashri yawm al-qiyama, et au moment du rassemblement au jour de la résurrection. Wa nurun laka ala sirat, et c'est une lumière pour toi sur le sirat, sur le pont qui est dressé au-dessus de l'enfer par lequel tout le monde passera. Wa nurun laka fi sulukika wa hayatik, et c'est une lumière pour toi dans ton comportement et dans ta vie. Qala ta'ala inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, certes la prière certes la prière empêche de tomber dans la turpitude et dans le blâmable. Wa fil hadith as-sahih alladhi rawahu Ahmad anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala عن الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة. Dans le hadith authentique rapporté par Ahmed, le prophète صلى الله عليه وسلم a parlé de la prière et il a dit: quiconque la préserve, elle sera pour lui une lumière, une preuve et un salut au jour de la résurrection. Et quiconque ne la préserve pas, il n'aura pas de lumière, ni de preuve, ni de salut. Fas-salatu amruha azim. La prière est très très importante. Thumma qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ. Puis le prophète a dit: et l'aumône est une preuve. الصَّدَقَةُ وَهِيَ إِخْرَاجُ الْمَالِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ بُرْهَانٌ أي دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْإِيمَانِ. Donc l'aumône, qui est le fait de sortir des biens et de les dépenser dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de sortir des biens pour les mettre dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'aumône est une preuve. Une preuve de la véracité de la foi de celui qui fait cette aumône. لِأَنَّهُ لَا يَجُودُ بِالْمَالِ مَعَ حُبِّهِ لَهُ إِلَّا مَنْ فِي قَلْبِهِ إِيمَانٍ. Car nul ne fait générosité de ses biens malgré qu'il les aime, si ce n'est quelqu'un qui a la foi dans le cœur. Wa illa fal mal muhabbabun ila an-nafs wa an-nafs shahiha. Car les biens sont aimés par nos âmes et l'âme est avare. فَإِذَا قَدَّمَهُ الْإِنسَانُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَهَذَا بُرْهَانٌ عَلَى إِيمَانِهِ حَيْثُ رَخُصَ عِنْدَهُ الْمَالُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Donc si l'homme donne ses biens dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est une preuve de sa foi. Car ses biens n'ont eu aucune importance pour lui. Il les a dépensés dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a donnés pour l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-munafiq fa huwa la yatasaddaq bal yaqbidu yadayhi 'ala 'an as-sadaqah. Qala ta'ala wa la yunfiquna illa wa hum karihun wa qala wa yaqbiduna aydiyahum. Quant à l'hypocrite, quant aux hypocrites, eux, ils ne font pas d'aumône. Mais ils retiennent de faire l'aumône. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée, et il ne dépense qu'à contre-cœur. Il ne dépense de leurs biens qu'à contre-cœur. Et dans l'autre verset, et ils retiennent leurs mains, c'est-à-dire ils se retiennent de faire des aumônes. صدقة برهان على الإيمان وقلة الصدقة أو عدمها دليل على النفاق. Donc l'aumône est une preuve sur la foi, et le fait de faire peu d'aumône ou de ne pas en faire du tout est une preuve de l'hypocrisie. وقال صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء. Puis le prophète a dit, l'endurance, le sabr, est un rayonnement. Le sabr, l'endurance, c'est de contenir son âme, dans l'obéissance d'Allah. وهو ثلاثة أقسام. Il est de trois types. الصبر, le sabr, l'endurance, elle est de trois types. الأول صبر على طاعة الله. Le premier type d'endurance, c'est l'endurance dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالواجب على العبد ملازمة الطاعة ولو شقت على نفسه. Donc il est une obligation pour le serviteur de rester constant dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si ceci est dur pour son âme. لأن الطاعة ليست سهلة. Car l'obéissance, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas simple. فالذي يصلي كل يوم خمس مرات ويقوم من الليل يحتاج إلى صبر. En effet, celui qui prie cinq fois par jour et qui fait des prières de nuit, ceci lui demande de l'endurance. والذي ينفق الأموال ويجاهد في سبيل الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله يحتاج إلى صبر على طاعة الله. Et également le fait de dépenser de ses biens, le fait de combattre dans le sentier d'Allah, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire la da'wah, tout ceci demande de l'endurance dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. والذي ليس عنده صبر لا يواصل الطاعة فينشط في أول يوم وثاني يوم ثم يتعب ويترك الطاعة ولو كان عنده صبر لاستمر عليها. Donc, celui qui n'a pas d'endurance, qui n'a pas de sabre, il ne peut pas persister dans l'obéissance. Il est motivé le premier jour, puis le deuxième jour. Puis après cela, il se fatigue et il délaisse l'obéissance. Et s'il aurait de l'endurance, eh bien, il aurait persisté dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. الثاني من أنواع الصبر صبر عن محارم الله. Le deuxième type d'endurance, c'est l'endurance vis-à-vis des interdits d'Allah. La شك أن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله تريد الشهوات والمحرمات وتريد أن تصبح مثل الناس وتسايرهم فالمؤمن يصبر ويحبس نفسه عن الحرام ولا يغتر بكثرة الواقعين في الحرام. En effet, il ne fait aucun doute que l'âme est incitatrice au mal, sauf pour celui à qui Allah fait miséricorde. Suivre ses passions et commettre les interdits, Elle veut être comme tous les gens qui sont dans le péché. Et donc le croyant doit endurer et doit contenir son âme pour ne pas tomber dans le haram, pour ne pas tomber dans ce qui est interdit. Et ne doit pas se laisser tromper par la majorité de personnes qui sont dans l'interdit. والمحرمات أقسام. Et les actes interdits sont de plusieurs types. أعظمه الشرك. Le plus grand des interdits est le shirk, ou le kufr et la mécréance, le polythéisme et la mécréance. وما أكثر المشركين والكافرين. Et quel nombre important y a-t-il de polythéistes et de mécréants sur terre? كذلك من المحرمات البدع والمحدثات. Et également, parmi les choses interdites, il y a les innovations et les nouveautés dans la religion. وما أكثر المبتدعين. Et quel nombre important y a-t-il d'innovateurs? ومنها المحرمات الكبائر ومنها الكبائر من الذنوب. Puis il y a également, après le polythéisme et la mécréance qui sont les pires des péchés, puis après les innovations qui sont les deuxièmes péchés les plus pires, vient ensuite les grands péchés. من السرقة والزنا والقتل tel que le vol, la fornication et le meurtre. شرب المسكرات والمخدرات et de boire de l'alcool ou de consommer de l'alcool ou de consommer des drogues. Tout ceci sont des choses qui font partie des grands péchés. وبعد Puis après tous ces péchés que je viens de citer, dans l'ordre, du plus grave au moins grave, vient ensuite les petits péchés. Donc le croyant doit endurer pour ne pas tomber dans tous ces péchés. Il ne doit pas se laisser tromper par la majorité ou la multitude de gens qui tombe dans ces interdits. الثالث من أنواع الصبر صبر على أقدار الله المؤلمة. Le troisième type d'endurance, c'est l'endurance des malheurs, l'endurance des malheurs qu'Allah t'a prédestinés. وينبغي للمسلم أن يصبر إذا أصابته مصيبة في ماله أو في نفسه أو في أهله وأقاربه ولا يجزع ولا يتسخط ويرضى بقضاء الله وقدره ويسلم أمره إلى الله عز وجل. Donc le musulman doit endurer et patienter lorsqu'il est touché par une calamité, par un malheur, que ce soit dans ses biens ou que ce soit dans son corps ou que ce soit dans sa famille et dans ses proches, il ne doit pas, désespérer Il ne doit pas s'énerver, mais il doit accepter et être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Il doit remettre son affaire à Allah. لأنه يعلم أنه ما من شيء يحدث له من خير أو شر إلا بتقدير الله عز وجل. Car il sait, car le musulman sait que tout ce qui le touche, que ce soit un bien ou un mal, tout ce qui le touche, que ce soit un bien ou un mal, c'est Allah qui l'avait décrété et qui l'a prédestiné. Donc il n'a pas d'autre alternative. Donc s'il endure et qu'il patiente, il sera récompensé. Et s'il ne patiente pas, et s'il n'endure pas, eh bien, quoi qu'il arrive, cette épreuve et cette calamité et ce malheur, il est présent, quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, tu n'auras pas de récompense. Et en plus de ça même, tu peux même prendre un péché. فكما أن المؤمن يشكر الله على نعمه عليه أن يصبر عند المصائب. Et donc de la même façon que le croyant est reconnaissant envers Allah pour ses bienfaits, de la même façon, pareillement, il doit endurer les épreuves et les malheurs. Il doit endurer les épreuves et les malheurs. ويقول ابن رجب رحمه الله ومن أفضل أنواع الصبر الصيام. فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة. ابن رجب il dit, parmi les meilleurs types, parmi les meilleures choses dans lesquelles on concrétise l'endurance et la patience, c'est le jeûne, as-siyam. Car le jeûne regroupe les trois types d'endurance. لأنه صبر على طاعة الله. Car le jeûne, ça demande d'endurer dans l'obéissance d'Allah. Tu te forces à jeûner. Et tu endures dans cette obéissance. وهو صبر عن معاصي الله لأن العبد يترك شهواته لله ونفسه قد تنازعه إليها. Et également, dans le jeûne, il y a l'endurance vis-à-vis des péchés. Et vis-à-vis de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car le serviteur, il délaisse ses passions et ses désirs pour Allah. Alors que son âme, il se peut que son âme l'appelle et l'incite à ses désirs. ولهذا في الحديث الصحيح إن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إِنَّهُ تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي. Et c'est pour cela que dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est un hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tous les actes, tous les actes de l'enfant d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne. Il est pour moi, et c'est moi qui le récompensera. Il a délaissé son désir, sa nourriture et sa boisson pour moi. وفيه أيضا صبر على الأقدار المؤلمة بما قد يحصل للصائم من الجوع والعطش. Et également, le jeûne comprend l'endurance vis-à-vis des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destinées et qui sont dures sur l'âme. Car le jeûneur, hein, ressent la faim et la soif. Donc il est éprouvé par la faim et la soif. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي شهر الصيام شهر الصبر. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. Et c'est pour cela que le prophète صلى الله عليه وسلم appelait le mois du jeûne, yani le mois du Ramadan, il l'appelait le mois de l'endurance, le mois de la patience, le mois du sabr. Et c'est ainsi que c'est ici que se termine la parole d'Ibn Rajab. وفي قوله والصلاة نور والصبر ضياء. Et lorsque le prophète sallam regardait bien dans ce hadith, il dit la prière est une lumière. Et après il dit l'endurance est un rayonnement. والنور والضياء سواء لكن الضياء أشد. La lumière et le rayonnement, ils sont pratiquement pareils, mais le rayonnement est un peu plus fort. قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. C'est lui qui a fait du soleil un rayonnement et de la lune une lumière. Le soleil, il en a fait un rayonnement et la lune une lumière. وذلك لأن الضياء فيه حرارة. Ceci car le rayonnement, il contient quoi? Il contient de la chaleur. Il contient une chaleur. وهكذا الصبر فيه حرارة لأنه شاق على النفس. Et également l'endurance. Également le sabr. Il contient une chaleur. Car il est dur sur l'âme. L'endurance, elle est dure sur l'âme. Donc il y a une forme de quoi? De brûlure, une forme de chaleur. Et c'est pour cela que le prophète a dit l'endurance est un rayonnement. Car le rayonnement, il contient de la chaleur. Alors que pour la prière, il a dit c'est une lumière. Inch'Allah, j'ai bientôt fini. Comme ça, vous pourrez aller à la prière pour ceux qui doivent aller à la prière. قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. Le prophète صلى الله عليه وسلم ensuite il dit le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لهداية الناس وبيان الحق من الباطل إن عملت به صار حجة لك عند الله يوم القيامة وإن تركته صار حجة عليك. Le Coran qu'Allah a fait descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de guider les gens et de leur montrer le faux et afin qu'il différencie entre le vrai et le faux, ce Coran, si tu l'appliques, il sera une preuve pour toi auprès d'Allah le jour de la résurrection. Et si tu le délaisses, tu délaisses son application, il sera une preuve contre toi. وَلَيْسَ لَكَ عُذْرٌ فِي عَدَمِ الْعَمَلِ بِمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ لِأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَكَ فَهُوَ يُتْلَى فِي الْمَسَاجِدِ وَفِي الْمَجَالِسِ وَفِي الْإِذَاعَاتِ. Et tu n'as pas d'excuse pour délaisser l'application du Coran. Tu n'as pas d'excuse pour ne pas appliquer le Coran, pour ne pas appliquer ce qu'il y a dans le Coran. Car le Coran t'est venu. Le Coran t'est venu. Il est récité dans les mosquées et dans les assises et dans les radios. ميسر لكل من يريد تعلمه وهذا من إقامة الحجة على الناس. Également, le Coran a été facilité pour celui qui veut l'apprendre, qui veut l'étudier. Et ceci est le fait, ceci constitue l'établissement de la preuve contre les gens. Ceci est un établissement de la preuve sur les gens. فلا تزال ترى المصحف ولا تزال تسمع القارئ ولا تزال تقرأ أنت فقد بلغك القرآن فليس لأحد عذر يوم القيامة أن يقول ما علمت وما بلغني شيء. قال تعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون. Donc, tu ne cesses de voir le mushaf et tu ne cesses d'entendre les récitateurs et tu ne cesses de lire le Coran toi-même. Donc le Coran t'est parvenu. Donc il n'y a personne qui a une excuse. Personne n'aura d'excuse au jour de la résurrection. Et personne ne pourra dire « je ne savais pas, je n'ai rien reçu ». Allah le Très-Haut dit dans la traduction rapprochée du sens du verset il dit, certes, mes versets vous étaient récités auparavant, mais vous vous en détourniez. Le Coran est une hujjah pour toi si tu as travaillé avec lui. Donc le Coran est une preuve pour toi si tu l'appliques ou contre toi si tu le délaisses et que tu ne l'appliques pas. Puis le prophète dit, tous les gens se lèvent le matin. El roudou en arabe, c'est le fait de sortir le matin de chez soi. Au début de la journée. Et ils vont à leurs actions, soit à vendre, soit à acheter, soit à travailler, et ainsi de suite. ليس هناك أحد يجلس في البيت إلا مريض أو النساء. أما الرجل فإنه يخرج ولا يبقى في البيت إلا إذا صار مريضا أو حلما. Donc les gens sortent de chez eux au début de la journée pour aller où? Pour aller à leurs activités. Soit de la vente, soit pour vendre des choses, soit pour acheter des choses, soit pour travailler. Ou autre. Personne ne reste chez soi. Personne ne reste assis chez lui. Si ce n'est quelqu'un qui est malade ou les femmes. Quant à l'homme, il sort de chez lui. Il ne reste pas chez lui. Sauf s'il est malade ou qu'il est devenu âgé. Wa khurujul 'abdi min baytihi imma an yuqi'ahu fi ash-sharr. Et le fait de sortir de chez soi, soit ça va t'emmener vers un mal, soit ça va t'emmener vers un bien. فإذا ذهب إلى طالب العلم وإلى فعل الطاعات فإنه يكسب خيرا وإن ذهب إلى المعاصي والسيئات والشرور والفتن. Donc, si tu sors de chez toi pour aller étudier une science ou pour aller faire des actes de bien, eh bien, tu obtiendras du bien. Et si tu sors de chez toi pour aller commettre des péchés, du mal, ou entrer dans les fitaines, dans les troubles, eh bien, tu prends un mal. Tu obtiens un mal. فهو بربوه وذهابه من بيته إما أن يذهب إلى خير وإما أن يذهب إلى شر. Donc, l'homme, lorsqu'il sort de chez lui le matin, soit il va vers un bien, soit il va vers un mal. قال صلى الله عليه وسلم فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها فمن الناس من يوفقه الله فيعتق نفسه بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله والندم ومنهم من يركن إلى المعاصي والشرور والفتن فيوبق نفسه أي يهلكها. Donc le prophète ensuite il dit, parce qu'il dit que tous les gens sortent de chez eux le matin et vendent leurs âmes, soit ils la sauvent, soit ils la damnent. C'est-à-dire qu'il y a parmi les gens ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la réussite et ils sauvent leurs âmes par la demande de pardon, le repentir, le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi eux, il y en a qui se satisfont des péchés, du mal et des fitaines, des troubles. Et donc, ils damnent leur âme, c'est-à-dire, ils la mettent en perdition. فَالْإِنسَانُ فِي خُرُوجِهِ فِي الصَّبَاحِ إِلَى أَعْمَالِهِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْتِقَ نَفْسَهُ وَإِمَّا أَنْ يُوبِقَهَا فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَذَكَّرَ هَذَا وَأَنْ يَتَحَفَّظَ فِي خُرُوجِهِ وَذَهَابِهِ فيحفظ سمعه وبصره وجوارحه ليكون ممن أعتق نفسه أما إذا لم يحفظ هذه الجوارح وهذه الأعضاء فإنه يكون ممن أوبق نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc l'être humain lorsqu'il sort de chez lui le matin pour aller à ses activités, il ne sort pas de un de ces deux cas, soit il sauve son âme, soit il la damne. Donc le musulman doit se rappeler de cela. Il doit préserver ses membres lorsqu'il sort de chez lui. Il doit préserver ses membres, il doit préserver son ouïe, sa vue et tous ses membres. Il doit les préserver, tomber dans des choses haram, dans des choses interdites, afin qu'il fasse partie de ceux qui auront sauvé leurs âmes. Par contre, s'il ne préserve pas ces membres-là, eh bien, il fera partie de ceux qui ont causé la perdition de leur âme. Et il n'y a de puissance ni de force qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, que par Allah. فهذا حديث جامع لخصال الخير ومحذر من خصال الشر وهو منهج عظيم للمسلم يسير عليه في حياته ويفكر في نجاته. Donc ce hadith, un hadith concis qui regroupe beaucoup d'actes de bien et qui met en garde contre des actes de mal. Et c'est une voie sur laquelle le musulman, et c'est une voie que le musulman doit suivre dans sa vie. Et il doit penser à son salut. Walhamdulillah, an ja'ala lana majalan wasi'an li fi'li al-khair. وإذا قارف العبد ذنبا جعل الله له مجالا واسعا للتوبة ولم يعاجله بالعقوبة وإنما أمهله وأعطاه المهلة والقدرة فلينظر العبد إلى نفسه هل يهلكها أو ينقذها بأفعاله وتصرفاته. إلى louange est à الله qui nous a donné une grande opportunité pour faire le bien. Et lorsque le serviteur commet un péché, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une grande opportunité pour le repentir. Il ne le châtie pas immédiatement, mais il lui laisse un temps. Il lui donne la capacité de se repentir. Donc que chaque serviteur regarde. Que chaque serviteur se regarde lui-même. Est-ce qu'il cause la perdition de son âme? Ou bien est-ce qu'il sauve son âme par ses actes et par ses comportements? Et ici se termine l'explication de ce hadith. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.